Les sept freins de l'évolution avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Soir. Les sept freins de l'évolution. Ça va freiner ce soir. Bon. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un frein à une évolution? Oui. Bon, on va commencer par définir c'est quoi un frein, justement, avant de parler de l'évolution. L'évolution, on connaît un peu c'est quoi, hein? C'est pour ça qu'on est ici. Le frein... C'est peut se classer de deux façons. Les freins qu'on peut pas éliminer, les freins qu'on peut pas tasser, les freins qu'on peut pas bouger, les freins que moi j'appelle les freins naturels. Et les freins artificiels, les freins non naturels, les freins que l'on peut justement surmonter. Alors les freins que l'on peut surmonter, souvent l'homme a tendance à vouloir les dépasser, c'est-à-dire c'est des limites ces freins-là. Et quand tu veux dépasser une limite, tu fais juste repousser la limite plus loin. Et puis le travail même de dépasser une limite, c'est un frein, parce que transcender une limite, c'est abolir la limite, et puis vouloir dépasser une limite, c'est simplement reporter la limite à plus tard. Hein? Alors, tu grandis ton cadre, mais le cadre est toujours là. Ça, c'est vouloir dépasser une limite. Ça, c'est un frein. Et ce frein-là, les freins artificiels, il y en a plusieurs. La conférence s'intitule « Les sept freins de l'évolution », mais ça, c'est une farce. Il y en a pas mal plus que ça. Les sept principaux dont on parle. Ouais, mais il y en a encore plus que ça. Sauf que l'affaire qu'il y a, c'est que si tu réussis à maîtriser un frein, bien souvent, les autres vont s'éliminer. Alors, comme j'expliquais la semaine dernière en ce qui concernait justement la liberté, où tu avais plusieurs, tu plaçais ton énergie dans différents endroits pour travailler, de ton niveau de ton évolution, tu voulais être pur, tu voulais être parfait, tu voulais être libre, tu voulais ne plus avoir de frein, tu voulais, etc. Et comme tu divises ton énergie à plusieurs places, ben, tu n'arrives pas à pousser quoi que ce soit à un summum libérateur ou à un summum réellement efficace. Parce que tu te divises. Les freins à l'évolution, ben la liberté, le manque de liberté et la recherche de liberté, c'est un frein. Mais c'est pas le frein, c'est un grand frein, mais c'est pas de cela qu'on parlait. Les freins naturels, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de choses, justement, qui limitent, qui freinent l'évolution de l'homme, mais que l'homme ne peut pas transformer. Hein? C'est des choses qui sont là, et puis l'homme en est, l'homme est dedans ça. Comme par exemple ton corps physique, si tu veux te mettre à voler pour pouvoir mieux voir ce qui se passe sur la planète Terre, ben dans ton corps physique, présentement dans le contexte où tu es placé, tu peux pas voler. Alors si tu veux t'habituer ou si tu veux essayer de te perfectionner pour pouvoir voler, ben c'est un frein à ton évolution le fait que tu puisses pas voler, mais c'est un frein naturel parce que ce frein-là est obligatoire pour te permettre toi d'être limité, pour te permettre d'arriver à découvrir quelque chose de beaucoup plus gros que de voler. Mais l'homme essaie de démolir les freins naturels qui ne sont pas démolissables. Ah, mais maintenant, on a un avion, on peut voler. Oui, d'accord, mais tu peux pas aller dans l'espace. Ah, maintenant, on a des fusées, on peut aller dans l'espace. Oui, d'accord, mais tu peux pas aller sur Pluton puis rester vivant. Tu peux pas aller sur Alpha du Centaure puis rester vivant. Ah, mais un jour, ouais, je le sais. Pendant ce temps-là, tu fais reculer les frontières du possible, tu recules les limites matérielles, mais en réalité, tu es toujours freiné. Ça, c'est des freins qui sont naturels, puis l'homme s'évertue à vouloir briser ces freins-là. C'est exactement comme si tu veux réussir à changer la philosophie de tout le monde pour pouvoir exprimer ton évolution. Ben, c'est évident que l'extérieur, c'est un frein à ton évolution. Mais c'est un frein qui est naturel pour te permettre, t'obliger toi à retourner chez toi, à retourner à l'intérieur de toi, puis retourner à l'intérieur de toi, te découvrir. Là sont les freins artificiels. Les freins artificiels, c'est des freins qui n'ont pas été placés par personne, par aucune intelligence. Dans le cheminement de l'homme. Les freins naturels, c'est des freins qui ont été placés par certaines intelligences, puis par le contexte évolutif de l'homme, comme par exemple la matière, le corps vital qui a besoin de se réénergiser. Hein? Alors, on a besoin de repos, on a besoin de prendre du soleil, on a besoin de reprendre de l'énergie, comme le corps physique, on a besoin de manger, on a besoin de dormir. Ben ça, c'est des freins, ça. Des freins naturels. C'est des freins naturels. Mais c'est qui n'ont pas empêché les grands initiés de faire leur évolution, d'atteindre le point qu'ils avaient à atteindre. C'est-à-dire qu'ils ont forcé l'initié à faire ce que tout le monde va faire, à retourner chez soi. Et puis, en retournant chez soi, on découvre les freins de l'évolution, mais les freins que l'on peut changer. Alors, ce qui fait que la première bêtise de l'homme, c'est de s'évertuer à vouloir éliminer un frein qui va rester là, puis à ne pas voir les freins artificiels que lui peut justement éliminer. Les freins artificiels, c'est quoi? On les connaît. On les connaît, sauf que on les oublie. Et quand je dis on les oublie, c'est mémorisé, mais on ne porte pas d'attention à ce que l'on mémorise. Alors, je vais tout à l'heure revenir, fais-moi y penser, parce que justement, on ne porte pas trop d'attention, on l'oublie, à une technique. Au fur et à mesure que je fais des conférences, je parle souvent du phénomène d'observation. Comment vous observez? Hein? Observez-vous, puis vous allez voir, ça règle des choses. Bien, au fur et à mesure que je fais des conférences, moi, je fais des conférences parce que j'apprends. Quand je parle, je m'écoute, puis j'apprends. Et puis, au fur et à mesure que j'en fais, bien, je réussis à pouvoir mieux transmettre c'est quoi l'observation, puis l'idée même. Il vient un moment donné où tu peux non seulement pas la transmettre, mais tu peux l'enseigner. Bon, ben là, je suis presque là. Fais-moi penser tout à l'heure, je veux absolument revenir là-dessus parce que ça va, disons que ça va enrober toutes les autres conférences où j'ai parlé de l'observation, et puis ça va être beaucoup plus facile après ça de pouvoir persévérer au courant de l'été sur justement le reste du cheminement de l'homme. C'est pas, disons, c'est presque une technique. Une chose qui est sûre, c'est bien efficace, c'est facile à faire. OK? Alors, au niveau des freins, bon, je me suis sorti un petit papier tout à l'heure pour essayer de lister les freins de l'évolution. Et puis, ça finit par « autre ». Il y en a tellement, mais tellement. Ça finit par « autre », mais on ne sait pas par quoi ça commence. Ah, ouais, ben. Ça commence par beaucoup. OK, tu vois l'orgueil. Tu vois l'orgueil. Et puis, l'orgueil, la peur, la jalousie. Si on cherche simplement en nous, là, qu'est-ce qui, de temps en temps, nous brime, ben, c'est ça. On a la colère, mais la colère se divise en deux. Il y a une colère qui est purificatrice, une colère, disons, qui est juste, une colère qui va vous libérer de certaines manipulations, mais il y a une colère qui est typique, qui est une expression parfaite de du manipulateur, donc de votre psychologie émotive. Alors, il y a deux sortes de colère. Alors, on a ici, j'ai mis l'avarice. Oui, l'avarice, c'est assez important. Pas l'avarice matérielle, ça, c'est une farce. C'est-à-dire que c'est un léger frein à l'évolution, dans le sens que toi, une fois que tu veux ramasser, ben, en fin de compte, tu n'as jamais assez, puis tu finis tourner en rond. Mais l'avarice psychologique, l'avarice intellectuelle, l'avarice spirituelle, l'avarice de connaissance, toi, tu sais des choses, tu veux pas en parler. Il y a déjà quelqu'un qui a dit que si tu allumais une lumière, c'était pas pour la mettre, pour aller la cacher en dessous du plancher, c'était pour la mettre sur la table de la cuisine pour que ça éclaire toute la pièce. Il y a un danger de faire ça. C'est quand tu fais ça, tu deviens un miroir pour les autres, puis les autres ne pouvant pas se voir dans le miroir ont deux solutions, détruire le miroir ou se détruire ou changer. Bon, ben, se détruire et changer, c'est la même chose. Toi, tu peux pas voir le miroir, change, tu détruis. Tu t'améliores, mais t'es plus là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a un certain danger, c'est évident, mais tu dois absolument communiquer parce que par la communication, tu arrives à clarifier tes idées, tu arrives à parfaire tes connaissances. Parce que veux pas, à un moment donné, en parlant, vous allez apprendre. C'est pas l'apanage de certaines personnes. Présentement, ça se trouve peut-être que oui, mais c'est pas une chose qui va être comme ça tout le temps. L'homme a le langage, et le langage dans l'ère du Verseau, ça va être la base qui va aider, qui va transformer justement notre conscience. La mutation psychologique, la psychomutation, elle est commencée et elle va se parfaire si l'homme et la femme communiquent. Communiquer avec un arbre, avec une enregistreuse, sur un papier, écrivez des livres, parler avec du monde, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut le faire. Alors, l'avarice même, donc, vouloir garder pour soi et surtout vouloir en ramasser, puis en ramasser, puis en ramasser. Quand on parle de l'avare monétaire, lui, il ramasse de l'argent puis il dépense pas. Alors, il n'y a rien de plus maudit sur la terre qu'un individu qui ramasse mais qui ne se sert pas de l'énergie qu'il ramasse. Puis l'argent, c'est une énergie. Vous gaspillez de l'énergie, c'est-à-dire vous dépensez de l'énergie et ça vous revient en ami, ça vous revient en argent, ça vous revient en n'importe quoi, mais c'est une énergie. Puis quand on émet de l'énergie, l'énergie nous revient. Mais si l'énergie qui nous revient, on l'emmagasine, bien, elle vient à un moment donné où on n'a plus rien. Dernièrement, justement, Jacques, tu me parlais d'une histoire, puis je veux revenir dessus, c'était très pas mal bonne. C'est une compagnie qui déposait 36 400 $. 84 600 $. Parce que c'est dans son compte avant en banque à lui qui a déposé ça, fait qu'il sait. Alors, tous les jours, il y a une compagnie qui déposait 84 600 $ dans son compte en banque. Et le soir, elle retirait tout ce qui restait dedans. Alors, Jacques devait donc dépenser au cours de la journée le maximum qu'il pouvait parce que rendu vers le soir, on lui retirait ça. Et le lendemain, on remettait 84 600 $ et comme ça tous les jours. Alors, si on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on a l'argent en banque, on la prend puis on va tout de suite la déposer dans un autre compte. Comme ça, ben, j'ai plus rien en banque, j'ai 86 000 $ à mon autre compte, puis jour sur jour, j'additionne. Ou on l'utilise. J'additionne. Ou on l'utilise. Mais si j'utilise pas tout mon 86 400 $ ben le reste m'est ôté. Alors le monde, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont une aubaine comme ça? La compagnie a fait des tests, puis le monde, ce qu'ils faisaient, prenait l'argent, puis allait la mettre dans un autre compte, comme ça, ben ils accumulaient leur argent. Puis c'est un article, hein? Puis l'article finit avec, maintenant, si vous savez un jour, vous découvrez un jour que ces dollars-là, c'est en réalité des secondes. Puis c'est votre vie. Ben oui, c'est ça. Tu fais tout pour vivre plus tard. Puis pendant ce temps-là, tu fais quoi? Puis les secondes t'accumules pour plus tard, tu pourras pas les vivre, hein? Parce que tu vas vivre ceux qui vont être là. Tu n'auras pas le choix. L'avarice, puis ça c'est important parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait, la grande majorité de notre démarche présentement dans notre société, c'est toujours en vue de pouvoir vivre nos vieux jours en paix. Puis notre jeunesse, on la vit pas en paix parce qu'on l'occupe au coton à mettre de côté. C'est sûr qu'il faut être intelligent puis il faut prévoir. Mais de là à être avare dans la matière, avare au niveau de notre psychologie, avare au niveau de nos émotions, de notre rayonnement, disons, qui c'est pas l'émotion, le rayonnement, c'est plus que ça. Tu peux avoir l'émotion de l'amour, mais tu peux rayonner de l'amour, c'est deux choses absolument différentes. Être avare, c'est quoi? C'est perdre. C'est perdre ce qu'on a, puis c'est perdre ce qu'on n'a pas. Parce que tout ce qu'on pourrait avoir qu'on n'a pas présentement, on ne l'aura jamais. Donc, c'est perdre ce qu'on n'a pas, et puis c'est perdre ce qu'on a. Ça, c'est important. L'avarice, c'est un immense frein. Là, j'ai pas le choix, faut que je vais devoir sauter. Quand tu dis que c'est un immense frein. Ça veut dire que c'est un gros frein. Oui, je comprends ça. Mais, c'est drôle, hein? Moi, je vois pas beaucoup de gens qui s'empêchent d'évoluer par rapport à l'avarice. Non. Dans les gens qui viennent ici. L'avarice psychologique, le fait que tu parles pas, le fait que tu as peur de parler, le fait que tu veux surtout ramasser des connaissances en ramasser, puis tu n'as pas le temps de les appliquer. Tu n'as pas le temps d'y vivre, tu les mets en banque. Tu continues à ramasser des connaissances. Tu lis un livre ésotérique, t'en lis un autre. C'est comme le gars qui lit 300 000 livres. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour pas être avaricieux? Faut que tu lises assez pour pouvoir te rendre compte qu'il faut plus que tu lises. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis quand tu es avare, parce que c'est avare, c'est pas avaricieux. Quand tu es avare, vois-tu, l'important, c'est juste que le monde qui sont ici présentement ne sont pas des avares dans le sens séraphin du terme. Parce qu'ils ne seraient même pas ici. Quand tu es avare psychologique, tu es aussi avare sur d'autres plans. Par contre, on est un peu trop avare quand même. C'est le fait que tu dises à quelqu'un que ce qu'il vient de faire, c'est correct. Ou n'importe quelle affaire que tu pourrais dire que tu ne dis pas. Pour un paquet de raisons contextuelles que toi, tu t'imagines. Tu as peur des retours, fait que pour pouvoir manger... une désapprobation, ben, tu préfères rien faire, mais sur 15 personnes que tu aurais parlé, tu aurais peut-être eu une désapprobation puis 14 approbations. Alors, mais tu as quand même peur. Ça, c'est de l'avarice. L'avarice de connaissance avec tu ne prends pas le temps d'expliquer à quelqu'un qui te pose une question ce qu'il veut savoir. Parce que tu veux pas prendre le temps de le faire. C'est ça, être avare. Mais quand quelqu'un te pose une question à toi, puis ça, c'est un des mécanismes de l'évolution. Quand on te pose une question, c'est pour que toi, tu l'apprennes. Puis toi, si tu réponds, tu vas l'apprendre. L'autre va peut-être l'apprendre avec, peut-être qu'il comprendra fichement rien, mais ça n'a aucune importance. Si toi, tu es placé quelque part, puis qu'il y a quelqu'un qui vient te poser une question, ou que toi, tu te poses une question, ben réponds. Si tu ne peux pas répondre, réponds si tu ne peux pas répondre, mais sois sincère. Si c'est rien que parce que tu ne veux pas perdre le temps, toi, tu t'appelles ça perdre le temps parce que tu ne vois pas le mécanisme. Si c'est rien que parce que tu ne veux pas perdre le temps, tu dis que tu ne le sais pas, tu es avare. Puis en étant avare, ben justement, tu as un mécanisme en toi qui te permet de pouvoir communiquer la parole, qui te permet de pouvoir répondre et de pouvoir apprendre. Donc, de pouvoir avancer, de pouvoir mieux comprendre. Donc, tu t'approches de la conscientisation de plus en plus globale. Mais si tu refuses, si tu es avare, ben évidemment, tu n'apprends pas. Si je veux pas faire de conférences, moi, puis que je fais rien, ben veux pas, moi, mon cheminement m'oblige à devoir faire des conférences. Bon, mais notre cheminement à tout le monde nous oblige, je veux pas un jour, puis quotidiennement, à devoir répondre. Être responsable, c'est ça, pouvoir répondre. Alors, être avare, ça serait la loi du moindre effort. Oui, ça serait une des lois du moindre effort. Mais c'est aussi la loi qui fait que tu veux te ramasser, puis ramasser, puis ramasser, puis ramasser, puis ramasser. C'est comme tout à l'heure, je disais, tu lis 40 000 livres pour savoir comment éduquer tes enfants, puis quand tu as tout compris, tu n'as plus d'enfants. Ils ont leurs enfants, puis leurs enfants, ils ont leurs enfants. Tout est arrivé à grand-père. T'sais? Alors, c'est quoi l'avarice? Ben, c'est une forme d'avarice, ça. C'est-à-dire que tu veux continuellement ramasser des connaissances au niveau de ton évolution, mais jamais tu penses qu'il faudrait que tu les appliques, puis jamais tu penses qu'il faudrait que tu communiques. Quand tu veux pas parler avec quelqu'un parce que, ouais, ben trop basse, ben pas ce niveau-là, c'est quoi ça? C'est du snobisme, c'est de l'avarice. C'est dangereux. Alors, la forme d'avarice psychologique, pourquoi je te dis que c'est un immense frein? C'est un immense frein. Le snobisme doit être un frein parce que dans les gens ésotériques, il y a beaucoup de gens snobs. Oh oui, il y en a pas mal. Énormément. Aussitôt qu'ils commencent à penser qu'ils comprennent des choses. C'est ça, exactement. L'orgueil de savoir. On va revenir sur l'orgueil. Là, ce soir, je vais être obligé de sauter comme un singe d'un frein à l'autre. Mais à un moment donné, cet automne, on va refaire une conférence sur chacun des freins. Ben pas sur chacun, parce qu'on ferait 15 ans de conférence. Mais sur chacun des gros freins. Les principaux. Oui. Parce que sont quoi? L'orgueil? L'orgueil, la peur, la jalousie, l'idolâtrie, le karma, l'avarice, la colère, puis il y en a d'autres. Le préjugé. Oui, les préjugés, c'en est. Alors, c'en est même un qui est important. Il y en a plusieurs. Mais là, ce que je vais faire, c'est que l'orgueil, premièrement, on va commencer par l'orgueil. Pourquoi par l'orgueil? Parce que l'orgueil va s'exprimer sous différents visages, et ces visages-là, ce sont des freins à l'évolution. Parce que si tu es gêné, la gêne, c'est quoi la gêne? Ben, la gêne, c'est de l'orgueil. La gêne, c'est quoi? C'est le fait que tu veux pas, par exemple, venir ici pour parler, parce que si tu manques ton coup, le monde va rire. Comme tu es trop orgueilleux pour accepter que le monde rit de toi, ben, tu es gêné et tu y vas pas. C'est ça, la gêne. C'est une des expressions de l'orgueil. La peur de perdre la face. Mais oui. Alors, tu vois tellement d'expressions de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est la force maîtresse de. C'est vraiment la force forte de l'expression de l'ego. C'est ça, l'orgueil. Je suis, donc vous n'êtes pas. La devise de l'orgueil, de l'ego. Tout pour moi, rien pour les autres. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que l'orgueil, si tu réussis à voir l'orgueil, si tu réussis à éliminer l'orgueil, ben fais-moi confiance que tout le reste est parti avec. Quand tu vas arriver, justement, à ne plus avoir de mémoire, c'est-à-dire à ne plus avoir de jaillissement de mémoire incontrôlé hein, dans ta mémoire, dans ta conscience, ben automatiquement, l'orgueil s'en va. Tu ne peux pas être jaloux si tu n'es pas orgueilleux. Tu peux pas être déçu, c'est pas orgueilleux. Tu peux pas avoir peur, c'est pas orgueilleux. Puis là, tu vas dire, ben oui, je peux avoir peur. Non. Si toi, c'est pas important pour toi, t'auras pas peur. Parce que si t'as peur que toi, tu puisses plus t'exprimer ou que tu puisses plus vivre. Bon. J'avais peur. OK? Alors, ce qui fait que la peur, c'est une expression de l'orgueil. Mais l'orgueil qu'on connaît, l'orgueil qu'on entend, c'est pour ça que j'ai divisé un petit peu par après, cet orgueil-là, c'est quoi? C'est justement le fait, si je te dis, ce que tu fais là, c'est pas correct. Ben, automatiquement, il y a des barrières qui viennent en avant, clac, ça c'est l'orgueil. Puis là, tu peux pas comprendre ce que l'autre te dit, tu peux pas voir, même si l'autre c'est un petit clin, même si l'autre c'est un petit enfant, même si l'autre c'est un vieillard, même si c'est n'importe qui, il a peut-être raison. Puis peut-être que lui ne le sait pas qu'il a raison, c'est peut-être son orgueil qui le force à parler. Même si lui est complètement perdu, il a peut-être raison. Mais si toi, tu viens fermer tes portes, tu mets la vérité dehors, puis tu mets le mensonge dehors, puis tu mets tout dehors, l'évolution avec. Alors, ce qui fait que l'orgueil, c'est quoi? C'est ça. Tu veux faire quelque chose, puis on te dit que c'est pas correct. Mais observe ce qui se passe en toi. Ça va voir. S'il se passe le moindrement quelque chose, va voir si c'est pas de l'orgueil. Puis cet orgueil-là, au niveau de l'ésotérisme, c'est le snobisme ésotérique, par exemple. Oh, moi, je connais telle affaire. Ben non, moi, je suis un tel. Fait que, quand t'as vu un tel, hein, t'as plus rien à prendre nulle part. C'est vrai que t'as plus rien à prendre nulle part. Ou ben non, il t'a bouché comme il faut. Ou ben non, tu t'es bouché toi-même. Mais il va dire, c'est rien que ça. Ça, c'est le snobisme, justement. Et puis, présentement, on avance des nouvelles connaissances, dont la connaissance supramentale, la connaissance intuitive, la connaissance de l'intelligence active, de l'Esprit Saint. Du mental supérieur. Et beaucoup de personnes, justement, bon, ben, ils sont là-dedans, ils ont compris que petites affaires, ils ont ramassé deux, trois morceaux d'un casse-tête, ils pensent avoir le casse-tête au complet, et puis là, ils ferment leurs portes, ils ont le casse-tête au complet. Non seulement ils veulent pas le partager avec personne, parce que le monde sont pas capables de rien comprendre. Ils sont pas prêts. Ben, c'est ça qui c'est ça. Ils sont pas prêts. C'est la bonne, tu sais. Vois-tu, si toi, tu as une connaissance, t'es pas capable de la communiquer, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est pas prêt. Il y en a peut-être deux qui n'est pas prêt, mais il y en a un, puis celui-là, c'est celui qui n'est pas capable de communiquer. Parce qu'il n'y a pas le mécanisme complet en lui, puis il ne comprend pas, puis il ne vit pas assez bien pour le communiquer. Mais de là à dire que c'est l'autre qui n'est pas prêt, ça, c'est ta belle façade d'orgueil qui descend, puis voilà. C'est facile en crime de sauver la face dans ce temps-là. Mais le petit bonhomme à qui tu veux jamais parler parce qu'il n'est pas prêt, à un moment donné, là, tu entends parler d'un grand maître. Tu vas voir, puis c'est lui qui est là. Si lui n'a pas été orgueilleux, là, il a beau partir de zéro comparativement à toi, il n'y a rien à faire, il va arriver bien avant toi au temple, justement, à la connaissance. Alors, ce qui fait que l'orgueil, le snobisme spirituel, parce qu'il y a un snobisme spirituel avec, t'es pas de ma religion, tu seras pas sauvé, premièrement, tu sais. En plus, t'es pas beau, bon, t'es pas partie de ma religion, tu peux pas comprendre tel livre, puis il faut que tu passes par moi, tu sais, si moi je peux te, bon. Alors, tu vois, le snobisme supramental, le snobisme moral, toutes ces choses-là, pendant longtemps, les médecins étaient snobs. Hein? Puis c'est pour ça qu'ils ont inventé un vocabulaire absolument dégueulasse puis incompréhensible à l'époque pour pouvoir fourrer tout le monde. Puis après ça, ils disaient « Oui, mais c'est pour que dans toutes les langues, on puisse communiquer. Oh » ouais, je sais bien, mais il fallait que dans toutes les langues, les gars, ils travaillent pour apprendre ton langage en maudit parce qu'il était trop complexe. Aujourd'hui, ben là, la majorité des médecins sont plus nobles. La majorité, pas toutes, mais quand même, c'est mieux. Mais tu vois, mais dans n'importe quel domaine. Et puis là, si la mode tombe à l'ésotérisme, ben évidemment, le snobisme, ben, il se ramasse dans l'ésotérisme. Partout où un snob peut être snob, il y va là. D'ailleurs, on a vu des gens qui n'étaient pas trop orgueilleux dans la vie normale, et puis au moment où ils ont commencé à étudier l'ésotérisme, ou qui ont fait une démarche spirituelle, ils sont devenus orgueilleux. Quand tu commences à comprendre des choses, tu penses tout de suite que tu comprends tout. Tu avais un immense casse-tête avant, puis c'était la connaissance, c'était la vérité, c'était la réalité. Ça a été cassé. J'expliquerai pourquoi plus tard. Ça a été cassé. Et puis, ça s'est réparti partout sur la Terre, disons. C'est un peu parabolique, là, mais c'est ça. Et là, il y a du monde qui ont commencé à chercher la vérité, qui ont ramassé un morceau de casse-tête, un morceau de casse-tête. Ça a fait une religion là, une philosophie là, une secte là, un ésotérisme là, etc., une école, etc. Bon. Et puis là, chacun qui avait le morceau pensait avoir le casse-tête au complet puis avoir la vérité. Et là, bien évidemment, ils ont fait des guerres. Pour deux raisons. Le gars qui savait qu'il n'avait pas le casse-tête, mais qui était orgueilleux, voulait piquer le morceau de l'autre. Fait qu'il disait à sa gang, on est les seuls qui avons raison, puis convertissons les infidèles. Puis pillons tout ce qu'ils ont là. Peut-être qu'on peut ramasser le morceau en même temps. D'autres personnes se sont dit, faisons l'union, par exemple, entre différentes religions, etc. Mais qui refuse de faire l'union? Les chefs? Parce qu'ils sont placés là, puis dans leur enveloppe d'orgueil et de snobisme, ils ont le pouvoir c'est de l'orgueil, ils sont avares justement de ces choses-là, puis ils veulent pas le partager. À un moment donné, on a voulu faire, puis plusieurs personnes, puis ça c'est nouveau dans la psychologie québécoise et même mondiale, on a voulu organiser l'Alliance universelle du millénium, et ça c'était quoi? C'était simplement la réunion de toutes les organisations qui étaient au moins au Québec, les écoles de yoga, les fraternités, les écoles ésotéristes, les religions, les écoles de morale, tous ceux qui disent travailler pour le bien-être de l'humanité, ou de l'homme du moins, on les réunit tous autour d'une grande table dans un grand salon, et puis là, on discute. On faisait qu'on réunit une ou deux personnes représentantes, les rosicruciens, les francs-maçons, etc. Et puis là, on discute de c'est quoi le problème majeur de notre société présentement qui freine l'évolution, disons, de la masse. Une fois qu'on arrive à une solution, ben là, on dit, toi là, tel ordre, vous êtes riche. Bon, fait que vous pouvez-vous donner 10 000, toi 5 000, toi 2 000, toi 500, toi 3 000, toi 150 000, etc. Et puis avec tout ça, sous le nom Alliance universelle du millénium, c'est-à-dire AUM, AOM, ben là, on peut faire une action pour essayer d'enrayer ce frein-là. Pas, mais faut pas que personne vienne se servir de l'Alliance pour pouvoir montrer sa fraternité, son école. Ben, tu communiques ce monde-là, puis ils veulent rien savoir de toi. C'est quoi l'orgueil? Ben, si tu veux trouver du monde orgueilleux pis snob, va faire un tour dans l'ésotérisme. Tu vas voir qu'il y en a là. Ça, c'est le plus gros frein pis qui nous empêche justement de pouvoir confraterniser. Il y a du monde extraordinaire, hein, on en a rencontré dernièrement, qui eux autres se balancent de tout ça. Ils prennent des vacances pour l'été, fait qu'ils disent à tout le monde, ben, allez voir un tel, il est bon. Puis l'hiver prochain, si vous voulez, vous reviendrez me voir. Ils n'ont pas peur de perdre leurs adeptes. Ben non, parce qu'ils n'ont pas d'adeptes. S'ils perdent les gens qui les suivent, ça les dérange pas parce que leur but est que ces gens-là soient dans le bon chemin, ouais, que ce soit avec eux autres ou avec d'autres. C'est des vrais. Ouais. Il n'y en a pas gros, mais il y en a bien plus. On en a rencontré un. une femme. La diverso, c'est l'air de la femme. Non, je ne sais pas, mais je suis incorrect. Bon, alors l'orgueil, c'est ça. La peur. Moi, toutes les sauter, puis après ça, dans la période de questions, peut-être qu'on pourra revenir un petit peu. Il y en a beaucoup. Pourquoi je vais les sauter? C'est qu'il y a certains freins, sans doute, qui vont accrocher plus certaines personnes. OK. Avant de passer à la peur, Daniel, on sait que l'orgueil est probablement le principal frein de tous les freins qui peuvent nuire à l'individu qui veut évoluer. T'as pas d'orgueil, les autres. Est-ce que tu as une technique? Est-ce que tu peux recommander quelque chose pour contrôler cet orgueil? Oui, bon, moi, parce que ça n'est pas la contrôler parce que ça se contrôle pas, mais pour l'annuler. Oui. Je peux suggérer quelque chose qui va avoir l'air, ce que ça aura de l'air. Mais si quelqu'un se sent légèrement orgueilleux ou si quelqu'un pense qu'il n'est pas orgueilleux et qu'il aimerait l'expérimenter, eh bien, la dernière fin de semaine du mois de juin, je donne un séminaire intensif de fin de semaine ici. Et puis, c'est de l'astral au mental. C'est ça. L'astral, ben tous nos freins sont dans notre astral. Puis, comment qu'on peut s'amuser à voir ces choses-là, à briser ces formes-là pour arriver à faire le discernement entre quelque chose qui est émotif, qui est astral, puis quelque chose qui est mental, puis quelque chose qui est intuitif. Donc, qui vient de l'intelligence active. Et puis, c'est la meilleure place parce que, si, moi, ce que je pourrais suggérer, c'est que dans la vie, arrange-toi pour te faire envoyer promener souvent. Puis là, observe-toi. Tu vas voir. Puis si tu es capable de t'observer, toi, une fois qu'il arrive quelque chose comme ça, tu vas découvrir c'est quoi l'orgueil, tu vas apprendre à la connaître, tu vas apprendre à cheminer avec, ça va disparaître complètement. Tu vas être sûr qu'elle sera plus là en toi. Mais il faut être des occasions pour aller vérifier si ça reste pas un petit bout. Mais si je te dis ça, ben il y a de fortes chances que si tu es dans la vie courante, que tu n'aies pas à la conscience le fait qu'il faudrait que tu t'observes. Si quelqu'un te coupe sa rue avec son char et qu'il vient frapper le tien, ben tu ne penseras pas à t'observer. Là. Tu vas penser peut-être à sortir et à crier. T'sais? Alors, si tu es dans un séminaire et qu'il se passe de quoi, ben si tu commences à crier, on a un cabinet, tu es dans un séminaire, c'est que je choisis d'être ici. Ben là, automatiquement, c'est vrai, je suis niaiseux. T'sais? Mais le gars dans la rue, s'il dit ça, oh, moi, c'est les dieux qui m'envoient juste pour vérifier si t'as de l'orgueil. Hein? T'sais? Ben, c'est ça l'affaire. Alors, ce qui fait que c'est plus facile à l'intérieur d'un cadre. Il y a eu des monastères à une certaine époque pour ça. T'sais? Il y a eu des séminaires, justement, puis des écoles pour ça. Parce qu'à l'intérieur du cadre, tu peux avancer plus vite parce que tu acceptes plus de choses. Fait que le séminaire, c'est une forme, justement, pour arriver à briser l'orgueil. Mais sinon, ben c'est l'observation. Mais elle est complexe. Pourquoi? Parce que justement, tu vois jamais, toi, dans un événement de la vie, quelque chose pour apprendre. Tu le vois quand c'est taquin. Si quelqu'un fait juste accrocher le bout du soulier, c'est pas pire. Mais si le gars te passe de 3 fois en une demi-heure ses pieds, ben là, tu vois plus pantoute que c'était une occasion d'apprendre. Habituellement, là, il montre de quoi? Habituellement, les gens s'aperçoivent qu'ils ont posé un geste orgueilleux ou une parole orgueilleuse. Ouais, 2 semaines après que c'est fait. C'est ça. Là, je culpabilise. Puis là, il se foire encore plus. Mais la culpabilité, c'est un frein, mais ça a rapport à des peurs. Mais c'est ça. OK, nous sommes rendus aux peurs? Ouais. Ouais. Bon. Alors, la peur. J'ai déjà dit que la peur, c'était le parti étendu universellement restrictif. C'est un parti politique qui s'est instauré sur la Terre à un moment donné. P-E-U-R. Parti étendu universellement restrictif. Ouais, c'est vrai que c'est étendu, hein, ça couvre, c'est universellement restrictif parce que n'importe qui a peur, là, il a beau dire que c'est de la prudence, pas de la prudence. Être prudent puis être pissou, c'est 2 affaires bien différentes. Hein? Alors, être prudent puis avoir peur. Tu peux avoir peur de quoi? Tu peux avoir peur de toi. Mais dans toutes les expressions d'émotivité, la peur est la seule chose qui peut s'exprimer sur elle-même. Tu peux pas aimer le fait que t'aimes, mais tu peux avoir peur à maudit, par exemple. Puis cette peur-là, tu la vis réellement à la peur d'avoir peur. On fait des sorties en astral. On fait des voyages astraux les fins de semaine. Et puis, il y a des personnes, justement, qui ont peur de le faire parce qu'ils ont peur qu'une fois là, ils ont peur d'avoir peur. Tu veux sortir le soir, ben non, on va t'amener voir un film d'horreur, ou ben non, on va t'amener quelque part où tu peux avoir peur. Mais tu vas avoir tout de suite peur d'avoir peur. Terrible. C'est la peur de l'inconnu à ce moment-là. C'est ça. Alors, la peur, c'est quoi? C'est juste l'expression, l'expressivité de ton astral qui, justement, ne connaît pas. Et ne connaissant pas, bien évidemment, il veut connaître. Et ne pouvant pas connaître ce qui n'est pas là dans le vivant présentement, tu ne peux pas savoir, toi, si tu vas avoir peur, si l'avion que tu vas prendre demain pour aller à Bangkok s'écrase. Tant que tu ne le vivras pas, tu ne peux pas le savoir. Tu vas peut-être avoir peur ou avoir peur de prendre l'avion parce que tu ne pourras pas savoir comment tu vas réagir. Puis, même si tu veux savoir comment tu vas réagir, tu peux pas, t'es pas dans l'avion, t'es pas en train de s'écraser. Alors, ce qui fait que devant l'impossibilité totale de ça, là, ben, automatiquement, tu as la peur. Mais la peur va venir, va naître de quoi fondamentalement dans l'homme, simplement dans le fait que toi, tu as des désirs, que toi, tu désires quelque chose. Puis le désir, ça, c'est lié à l'astral, c'est lié à... c'est assez profond. Je l'ai déjà expliqué, puis on va le réexpliquer, mais là, on va faire un petit tour. Le désir, c'est quoi? C'est que tu désires être grand. Donc, tu désires automatiquement ne pas être petit. Je le dis souvent, mais c'est important qu'on comprenne ça à un moment donné. La peur, elle vient là. Tu as un désir, puis à l'instant même où tu as un désir, tu as le désir antagoniste, le désir inverse. Alors, je veux être riche, j'ai le désir d'être riche et donc le désir de ne pas être pauvre. Puis, entre la friction qu'il y a entre ces deux désirs-là qui sont antagonistes, la friction qui existe dans notre psychologie, c'est ça, la peur. La peur, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. C'est que toi, tu as un désir, automatiquement, il y a le désir opposé. Je désire être là-bas, je désire ne pas être ici. T'sais, on dirait que c'est une vérité de la palisse, ben c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on la voit pas. Alors si je désire être bien, je désire ne pas être mal. Donc automatiquement, si je désire être bien, j'ai peur d'être mal. Si je désire que tu restes, je désire que tu ne partes pas. Donc si je désire que tu restes, automatiquement j'ai peur que tu partes. Si je désire que tu vives, je désire que tu ne meurs pas, donc automatiquement j'ai peur que tu meurs. Si je désire vivre, j'ai peur de la mort. Alors, le fait même que l'homme désire, puis l'homme, présentement, c'est un homme qui désire. T'as faim. Ben, tout de suite, tu veux téter. Puis tout de suite, t'as peur de pas pouvoir téter. Puis tout de suite, tu te mets à broyer. Bon. Puis c'est une peur qui est fondamentale, qui est même génétique dans l'homme. Alors, cette peur-là, elle est fondamentale. Elle vient au fin fond de l'homme, sauf que si l'homme n'a pas besoin de retourner dans le fin fond de sa peur pour découvrir la peur. Là, c'est bien trop épeurant, cette démarche-là. Faut pas qu'il fasse ça. Il va rester dedans pour ad vitam aeternam. Ça, c'est le côté noir de la vie. Tu ne vas pas fouiller là-dedans, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Dans ce temps-là, il faut justement que tu puisses voir d'où vient la peur. Alors, automatiquement, quand tu as peur, ben si tu t'observes, tu vois l'observation, tout à l'heure, on va vous dire de quoi, à propos de l'observation, là. Si tu t'observes, automatiquement, tu vois ce que tu désires et ce que tu ne désires pas. Puis là, quand tu regardes ça, là, ben la peur n'est plus là. Parce que là, les deux ne sont pas en train de se pousser. Les deux, tu les as montés sur un plateau d'études. Ils peuvent pas se battre, là. Dans l'homme, il y a des choses. Il n'y a pas 50 affaires qui peuvent se passer en même temps. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Alors, si c'est la mauvaise qui est là, ben c'est la mauvaise qui est là. À un moment donné, ben il y a de quoi qui va se passer puis c'est la bonne qui va venir. S'il y a une friction en toi puis tu es capable de l'amener à... Tu es capable de transformer ça en plateau d'études, il n'y a plus de friction, il ne peut plus en avoir. Alors, ta peur, c'est ça. À l'instant même où tu as peur, tu es capable de découvrir en toi ce qui te fait peur. Tu as peur de n'importe quoi. Puis je donnais souvent l'exemple d'un bonhomme qui arrive en avant de toi avec un revolver. Ça ne change rien pareil, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Ben, il veut me tuer. Et présentement, est-ce qu'il te tue? Non. Ben, tu as peur d'abord d'une affaire qui n'existe pas. Fait que ça, c'est bien, ça t'arrange. Ouais, mais s'il me tue, ben, si tu as peur encore? Non, ben, tu as peur pourquoi, là? C'est pourquoi tu as peur? Parce que tu veux vivre. Donc, tu veux ne pas mourir. Donc, tu as peur. Puis pendant que tu t'occupes à avoir peur, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais rien, tu shakes. Tu peux paniquer. C'est ça. Par contre, si tu n'as pas peur, parce qu'en voyant ça, tu dis, ben, c'est vrai, s'il me tue, il me tue, s'il me tue pas, il me tue pas. Tu regardes le gars dans les yeux, là, puis tu demandes ce que tu veux. T'sais? Il y a bien des choses qui vont se faire, puis toi, tu vas commencer. Ce qui est amusant avec la peur, c'est que là où il n'y a pas de peur, il ne peut pas y avoir de peur. C'est important, c'est une loi de la peur, je vais expliquer bien rapidement, avant que tu m'interrompes. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que si toi, tu as, moi, je rentre, toi, tu as peur. Et moi aussi, j'ai peur, même si je veux te tuer. Mais j'ai moins peur parce que j'ai le revolver. Mais j'ai peur. Parce qu'au moins, le revolver, tu vas voir que je pourrais plus te tuer. J'ai mon revolver. Mais toi, tu réussis à bannir la peur en toi, puis tu n'as plus peur. Plus, mais pas en tout. Sans péquer, là. Oui. Le vrai, plus peur. Oui, assez qu'un chien le saurait que tu n'as pas peur. Un serpent, un lion. Oui, un animal va le savoir parce que lui va percevoir autrement. Mais là, ce qui va arriver, c'est que moi qui est là avec mon revolver, puis qui a peur. Et ma peur s'en va vers toi. Puis normalement, selon la loi même qui régit la peur, elle est supposée changer ton rythme vibratoire et entraîner la peur en toi. Et si elle le fait, ben moi, ça me soulage. Puis là, je me sens mieux. Puis mieux en mieux. Puis mieux en mieux parce que ma peur, tu l'as. Moi, je l'ai de moins en moins. Et plus tu vas avoir ma peur, moins m'en avoir. Mais s'il n'y a pas de peur là, ben la peur que moi, je transpire peut pas aller là. Elle va là, elle te frappe et elle me revient. Plus fort. Elle doit être canalisée par un être vivant dans l'endroit. S'il n'y a que moi comme être vivant, moi, je vais avoir peur. Puis je vais avoir peur en Christ. Quand on parle, on compte l'histoire, par exemple, de de Saprem qui est à Auroville. Et puis, Auroville, c'est une ville qui a près de Pondichéry aux Indes, que Sri Aurobindo a bâti avec Mère, qui était sa femme. Et puis, il y a un Français du nom de Saprem qui a voulu continuer la ville. J'explique ça un petit peu pour ceux qui ne seraient pas tout à fait dans le en connaissance de ça. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes politiques, ça a viré en n'importe quoi, il y a eu du snobisme, il y a eu de l'orgueil, il y a eu toute ma petite liste site avec le mot autre, qui a fait qu'une fois que Aurobindo est mort, une fois qu'il est mort, puis que Mère est morte, c'est là que ça a tombé sur le derrière. Même plus bas, hein. Et puis, cette prême est arrivée là, et puis, lui voulait continuer l'idée même d'Auroville. Certains individus ont décidé simplement de l'éliminer. Alors, il y a trois individus qui ont été le voir pour le tuer. Ils sont arrivés face à face pendant qu'ils se promenaient dans un des couloirs d'Auroville. Ils ont sorti ce qu'il fallait pour le tuer. Cette prême, ben, je regardais en demandant ce que les gars faisaient là. Les gars, ils ont eu assez peur, qu'ils ont tout laissé tomber ça là, puis ils se sont sauvés. Il y a des légendes qui disent que cette prême a disparu de là, etc. Mais cette prême lui-même, le compte, justement, on a un film où on a passé dernièrement à l'homme après l'homme, puis il n'a pas disparu. Mais lui-même, il les a regardés. Puis lui, il n'avait pas peur. Les gars étaient trois à avoir peur, puis il n'avait pas de peur. Fait que ça a fait ça, c'est comme si tu tires un mitraillette un face à face à l'autre, ben tout le monde meurt, sauf, hein. Bon. Alors, moi, cette prême, ben, il s'est en allé chez eux, hein. Il allait prendre une bière à taverne en se demandant que c'est pourquoi que les gars faisaient ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est un gars normal. Mais il n'a pas eu peur parce qu'il était dans un état assez évolué, il était rendu dans un état vibratoire où la peur... Il connaissait ses mécanismes. C'est ça. Mais ces bonhommes-là n'ont pas pu rien faire. Mais même si on connaît les mécanismes, Daniel, prenons quelqu'un qui justement connaît les mécanismes... Il les connaît là ou il les connaît là? OK. Mon exemple... Tu les connais dans ton intellect, puis ça arrête au niveau de ta bouche, tu ne connais rien. Faut que tu aies un cœur intelligent, faut que tu les connaisses dans ta tête puis dans ton cœur. Puis c'est parabolique, le cœur, c'est beaucoup de choses, c'est tout notre astral, notre tête, c'est parabolique, c'est tout notre intellect, c'est tout notre corps mental. Tu connais Dieu dans ta tête et dans ton cœur. Les chrétiens l'ont connu dans leur cœur, les bouddhistes l'ont connu dans leur tête, ni un ni l'autre n'a pu le rencontrer. Hein? Alors aujourd'hui, à l'époque du Verseau, l'homme va pouvoir rencontrer des choses parce que lentement, l'homme l'a en vibration, il l'a dans le cœur, il y a des choses qu'il mène, puis qu'il veut maintenant avoir la compréhension. Quand je parlais de que tu peux arriver un jour à transmuter ta foi en connaissance, tu as une foi intelligente. Tu as un cœur intelligent. Et puis là, tu peux faire des choses. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que si tu connais les mécanismes même de la peur et que tu ne peux pas les vivre parce que tu as peur, ben, t'as beau les connaître, donne un cours au gars, si le gars se met à vivre, c'est encore toi qui vas être le plus mal pris. Mais je pense qu'on peut quand même mettre une échelle de 0 à 100 sur la peur. Une personne qui, disons, serait à 90, par exemple, au niveau de l'échelle, en faisant attention, en s'observant, en faisant des analyses, elle peut descendre à 40, à 30, ainsi de suite. Plus tu vas le faire, mais l'important, c'est que tu le fasses dans un événement où tu as peur. Puis justement, si ton événement il est de numéro 3, sur ton échelle, ben profite-en pareil. C'est pas nécessaire de dire, oh, mais là, je n'ai pas assez peur. Quand j'aurai bien, bien peur, je fais des études. Quand tu auras bien, bien peur, moi, je vais faire des études, je vais te regarder comment tu fais quand tu as peur. Mais toi, tu ne pourras pas étudier grand-chose. Alors, ce qui fait que c'est ça. Il faut que l'individu le fasse régulièrement et continuellement. Une personne qui n'a pas d'orgueil n'a pas peur. Mais une personne qui n'a pas peur peut avoir de l'orgueil. Une chose qui est sûre, c'est que si toi, il y a un élément, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'il y a différentes choses que justement on va essayer de parler, hein, que tant qu'on a. Si il y a quelque chose entre autres qui t'accroche, toi tu as peur. Mais pour l'instant, laisse faire l'orgueil, travaille sur la peur. Parce que c'est quelque chose qui t'est beaucoup plus proche. Comme frein, là, tu élimines un de ces freins-là, puis tu vas voir que il reste plus grand frein, il reste un petit pied, hein. Le cerveau freine plus là. Ça freine plus fort. C'est ça qu'il faut faire. Alors, quels que soient les freins, élimine-en un de ceux-là que j'ai mis, là, puis tu vas voir que c'est extraordinaire. On passe à l'autre suite qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait de tomber en amour, mais pas un amour dans le sens énergétique, mais le fait de vouloir s'identifier. Alors, tu veux t'identifier à un acteur, à une actrice, à une vedette, à un chanteur. La bigoterie. Mais la bigoterie. Que tu veux t'identifier à un orateur, à un conférencier, à un maître, à un gourou, à une photo d'une entité, disons, comme Jésus-Christ, à n'importe quoi, à une histoire, à un livre, à un oiseau, à un goéland, à un chat, à un chien, puis sans lit. Que tu veux t'identifier à quelque chose, à quoi que ce soit, c'est de l'idolâtrie. Et le fait d'essayer d'oublier que t'es là, de prendre la peau d'un autre, de te la mettre sur le dos, puis de vivre une vie de seconde main, mais ça ne t'amènera jamais à vivre la tienne. Ça ne t'amènera jamais à être toi. Puis tant que tu vas dire, ah, moi, je suis le Christ, c'est le Christ qui parle en moi, ben tu peux dire ça tant que tu veux, mais quelqu'un dans le miroir, tu vas voir que... Fait que tu te prennes ou que tu veuilles accréditer n'importe qui d'une façon où ce que tu en as de besoin. C'est sûr que moi, j'ai des choses que je fais parce que ça m'apprend des choses. Mais si un soir ou une journée, je peux pas, puis ça ne me fait rien. Il y a des individus qui sont prêts à tout laisser, même leur femme, même leur mari, même leurs enfants, pour aller à une conférence comme la mienne ou comme d'autres. Mais ça, là, c'est une forme d'idolâtrie. Tu vas idolâtrer le bonhomme ou tu vas idolâtrer le message ou tu vas idolâtrer n'importe quoi, mais quand tu fais ça, tu peux pas comprendre le message, tu l'emballes dans une boîte, tu admires la boîte. Qu'est-ce qui pousse l'individu vers l'idolâtrie? Comme ça? Le manque d'assurance, la peur. C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'énergie de la personne qui parle. Ils essaient de s'imaginer que c'est eux, ou ils essaient de s'imaginer par le snobisme ésotérique, le snobisme spirituel, le snobisme supramental, que eux autres, ben, ils sont dans une école particulière, hein. Il y a seulement eux autres qui peuvent aller là. Alors, ce qui fait que, ben, on est des êtres différents. Alors, c'est vrai qu'ils sont différents. Ça rejoint le snobisme à ce moment-là. C'est du snobisme. Mais l'idolâtrie t'amène là. Mais l'idolâtrie, c'est différent du snobisme parce que le snobisme prend pour un autre, mais dans le sens, dans le fin fond, tu sais que c'est pas vrai. Mais l'idolâtrie, c'est qu'à un moment donné, tu le sais même plus. Si par exemple, moi j'ai enseigné le judo longtemps, et puis moi dans mon école, j'avais pas la photo de Gigolo Kano. C'est comme ça que je l'appelais, c'est Gigolo Kano son nom. Alors on l'appelait Gigolo. C'est lui qui a fondé ça, puis c'est lui qui a enseigné un paquet de choses que nous autres, moi j'ai pu enseigner à des jeunes, puis etc. Puis on enseignait le judo en français, parce qu'on n'est pas au Japon, on enseigne pas ça en japonais. Mais partout ailleurs, quand les jeunes rentraient, il fallait qu'ils saluent la photo de Jigoro Kano, fallait qu'ils saluent le tapis. Je sais pas si t'as peur que le tapis parte ou quoi. Ils ont le TP, nous autres, on est correct. Fallait qu'ils saluent après ça le maître, qui était moi. Parce que ça fallait qu'ils... En tout cas, un paquet d'affaires dans le genre qui fait qu'on perdait 15 minutes de réchauffement à faire des saluts. Alors, un jour, moi, j'ai demandé aux jeunes, savez-vous pourquoi on se met en position de salut? Parce qu'on se met en position de salut avant, puis après ça, on salue. Fait que les jeunes, ils disent non. Fait que je le dis, c'est parce qu'on va saluer. Ah, savez-vous pourquoi on salue? Non. Pour donner une raison d'être à la position de salut. Hein? C'est pour ça qu'on salue. Alors là, les jeunes ont compris, puis c'est correct. Après ça, je leur ai expliqué que ça les amenait à un calme, ça me permettait de parler de ça. Tout le reste, tu balances aux poubelles, parce que c'est inutile. L'idolâtrie, c'est ça. Tu rentres, tu salues la photo de ton maître. Voyons donc. Tu grimaces, fais n'importe quoi, donnes une tape, il fera rien. C'est une photo. Et tant que toi, tu t'imagines que tu dois suivre un cérémoniel, que tu dois suivre une tradition, qui est même pas né de toi, qui est même pas né de ton peuple en plus, là, ben, c'est ça, c'est de l'idolâtrie. Puis cette chose-là fait que, au niveau du judo, par exemple, tu ne peux pas voir le fondement même du judo, qui est le développement de la souplesse mentale et physique, c'est la voie de la souplesse, mais qui est aussi, puis Jigoro Kano l'avait dit, c'est un sport ou un art qui devrait seulement, puis là, c'est le réel art, permettre à l'individu d'arriver à vivre libre dans un corps et dans un esprit libre. Bon, mais si il faut que tu salues tout le temps, puis quand tu salues pas, le maître, le sasam, il vient de jaser parce que tu n'as pas salué, c'est où l'esprit libre, puis c'est où le corps libre? Alors, ce qui fait que là, tu idolâtres quelque chose, tu idolâtres un enseignement. Un enseignement, même si c'est moi. À un moment donné, que ce soit n'importe... Surtout? Ben oui, parce que je t'assure que moi, je ris de ceux qui, en ce cas, ils m'idolâtrent pas souvent, ils s'en vont, puis ils comprennent pas, puis ils reviennent plus. Bon. Mais l'idolâtrie, c'est dégueulasse, c'est terrible. L'idolâtrie matérielle, j'explique de temps en temps que si moi je rentre dans une église puis que je dis au monde les statues, là, pensez-vous que c'est la réalité? Ils vont me dire non. Si je casse toutes les statues, ils vont tous me sauter dessus, par exemple. Alors l'idolâtrie fait qu'à un moment donné, tu ne sais plus même toi si tu es idolâtre. Tu as un petit symbole sur toi qui supposément te protège. Mais tu sais, à un moment donné, tu deviens idolâtre. Pourquoi? Parce que tu attaches une importance cataloguée puis une importance démesurée à ça. Tu perds ton porte-bonheur, ben t'as l'impression d'avoir perdu une partie de toi. Parce que l'individu a besoin de support. Ben, l'individu a peur, c'est ce que je te disais. Ben oui. Alors, l'idolâtrie, il faut l'avoir. J'explique souvent que si tu entends un message extraordinaire à la radio, tu ne mettras pas un chou devant la radio, tu ne mettras pas la radio sur un cadre avec des cierges à côté. Alors, si un conférencier ou si n'importe qui parle, ben c'est la même chose. Hein? Alors, ce qui fait que l'idolâtrie, c'est un frein terrible parce que tu endosses la peau d'un autre. Tu essaies de vivre une vie d'emprunt, une vie de seconde main, et puis tu essaies de te promener avec ça en essayant de te faire croire aux autres que c'est ça. Tu vas vers le snobisme, tu vas vers la peur t'amène là aussi, tu vas vers la jalousie lentement parce que si quelqu'un d'autre a la même peau que toi, t'es pas d'accord. Tu peux pas avoir 50 réincarnations d'un tel, hein. C'est vrai qu'il y en a 50, mais si toi tu commences à t'idolâtrer dans cette formule-là, ça marche plus. Alors ce qui fait que l'idolâtrie même, la bigoterie justement, tu es fou, tu es maniaque fou de Boy George. Ben oui, ben c'est ça. Pendant que t'es maniaque de Boy George, ben c'est ça. t'écoutes le hockey, puis il n'y a rien à faire, c'est le hockey. Si tu peux idolâtrer ça facilement. Tes enfants qui viennent te voir, là, pas pour l'instant, là. Là, j'attends ta ligne, là, je m'en vais à amateur du sport, là, c'est cassé, puis il faut que je parle, tu sais. T'es là, puis t'attends. Bon, ben c'est ça, ça. Si tu le fais, puis s'il arrive de quoi, ça te dérange pas, c'est parfait. C'est là l'utilité de tout. C'est bon. Faut que tu te distraies, faut que tu fasses n'importe quoi. Tout est bon, mais faut pas s'attacher à rien. Si tu t'attaches à quelque chose, ben tu te rapproches de l'idolâtrie. Tu te rapproches aussi de l'avarice, tu veux posséder la chose. Alors, le fait d'être idolâtre, c'est justement, comme tout à l'heure, je te dis, t'écoutes ton hockey, tu te fous du reste, tu conduis ton char sport, tu te fous de tout le monde. Il y a tellement d'événements, la vie se charge de tout, puis la vie, elle t'amène seconde après seconde une leçon. Mais qu'est-ce que tu fais avec les leçons que ta vie, que la vie t'amène? Ben, les seuls temps où tu pourrais voir de quoi, t'es occupé à être orgueilleux, à avoir peur, à idolâtrer, à être jaloux, ou maintenant à broyer. Moi, mais vous n'amenez pas des leçons. Pendant ce temps-là, c'est tout là à côté de toi. Pas ça que je veux, maudit, je veux de quoi où je peux apprendre. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu as besoin d'apprendre. Alors, c'est ça. Alors, l'idolâtrie, c'en est un. Le karma. Le karma, c'est un immense frein à l'évolution. Immense. Immense, mais en même temps, c'est la chose. Tous les freins, tout à l'heure, je t'expliquais qu'ils doivent amener l'homme à arriver à se débarrasser des freins. Ça, c'est ça que ça sert, un frein. Tu as les freins naturels. Le karma, c'est un frein naturel. C'est un frein qui est placé là, pour l'homme, parce que si l'homme n'avait pas ce frein-là, il serait tout le temps rendu d'un précipice. Puis quand l'homme réussit à, comme quand l'homme pense, « Ah, moi, j'ai réussi à briser la loi du karma », ben il tombe d'un précipice. Puis ça aussi, c'est le karma. Alors, tu ne brises pas la loi du karma comme ça. Tu peux arriver à la transcender. Tu la transcendes comment? Ben en transcendant tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire, en résumé, à être. Quand tu arrives à être, simple, hein? Ben automatiquement, tu transcendes ces choses-là, tu ne les dépasses pas. Mais le karma que l'homme, le karma artificiel, le frein artificiel dans ce frein naturel-là qui est le karma, c'est le karma relatif. J'en ai parlé quand j'ai parlé des pièges du karma, conférence qu'on a faite dernièrement. Et puis, le karma relatif, c'est quoi? C'est le karma que toi, en tant qu'individu psychologique, tu t'imposes. Là, tu te rapproches de la culpabilité, mais ce karma-là, c'est celui que tu t'imposes. « Ah, j'aurais pas dû faire telle affaire. » Mais c'est ça, tu as payé pour. Et puis, tu commences déjà à payer pour. Puis là, quand tu as des remords de quelque chose, ben tu payes pour. C'est ton karma. Puis c'est le karma relatif. Puis c'est un frein à l'évolution, puis c'est un frein artificiel. Parce que ça, c'est un karma, c'est une forme d'énergie similaire à la loi karmique, mais qui n'a pas été amenée là par aucune intelligence, qui est amenée là par toi. Toutes les fois que toi, tu te culpabilises, toutes les fois que toi, tu fais un retour en arrière sur quelque chose, toutes les fois que tu te punis. Puis quand tu te punis, ça peut être volontairement, tu te maudis un coup sur le pied. Mais ça peut être aussi inconsciemment où, justement, tu vas t'empêcher d'avoir ce que tu devrais avoir pendant un laps de temps. Tu te punis, mais c'est toi qui te punis. Et ça, c'est le karma relatif. Il peut être généré par ta morale, par ton éducation, par un paquet de choses. C'est le karma relatif. Et ce karma-là, c'est le pire karma. C'est le plus gros karma que l'homme a à supporter, que l'homme a à mettre sur ses épaules. C'est le karma relatif. Celui que lui-même s'impose. J'ai fait quelque chose, j'ai pris de l'eau, je l'ai renversé. Bon. Le boss, il me regarde. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que si ça me dérange, ben, je m'impose un karma. Puis si le boss n'est pas content, ben, on dit, c'est correct, le boss, je le ferai plus, puis c'est tout. Puis moi, je continue mon cheminement. Parce que si je m'attache à ça, mais non, le boss, depuis que je le fasse, c'est clair, je le ferai plus. Je m'en vais pas ailleurs. Je m'en vais pas ailleurs. Mais ce qui arrive, c'est que si je m'attache à ça, automatiquement, je subis déjà le courroux du karma et c'est un karma relatif. C'est pas un karma donné à l'homme pour l'aider, c'est un karma que l'homme se met pour se freiner. Et ce karma-là, c'est le karma relatif, c'est un karma idiot. Et ce karma-là, il faut le balayer. On n'a pas à se culpabiliser, Thorieux. On n'a pas à penser qu'on est coupable. Il n'y a personne de coupable sur la Terre, t'es manipulé. Puis si t'es manipulé, tu ne peux pas être coupable de quoi que ce soit. Tu peux pas être coupable. Si tu penses que t'es coupable, t'es manipulé, puis tu te manipules en plus. Fait que moi, dis franchement, t'as déjà assez d'être manipulé sans que tu t'en mêles, hein? Alors, ce qui fait que si tu te penses coupable de quelque chose, si tu te sens coupable, moi, dis franchement, sens-tu coupable de te sentir coupable, mais de rien d'autre. Parce que là, tu te nuis puis tu te freines. Puis la culpabilité, c'est le mot, c'est un frein qui est pas le plus gros, mais le plus dégueulasse. Parce qu'ils minent du monde, on éduque avec la culpabilité, on manipule les autres avec la culpabilité, on dit à nos femmes et à nos enfants puis à notre mari, « Bon, ben c'est correct, fais-le pas, bon, moi le faire moi-même. » Bon, tu le manipules. « OK, c'est correct, je vais sortir encore tout seul les vidanges, tu sais, puis vous autres, bon, tu manipules encore. » T'éduques pas par l'intelligence. T'éduques par la manipulation, par la culpabilité. Et puis ça, c'est, tu vas donc obliger ces individus-là à devoir, à un moment donné, se payer le luxe d'avoir un karma relatif puis de souffrir. Puis là, tu les freines continuellement. Ton petit bonhomme, il arrive en retard, puis tu l'engueules, puis etc. Mais là, il se sent coupable. Il se sent coupable, puis il va arriver à l'heure pour pas avoir à sentir l'énergie de la culpabilité. Pas parce qu'il comprend quoi que ce soit, parce qu'il veut pas vivre la culpabilité. Puis à un moment donné, plus tard, on en parlait hier sur l'émission de radio, il y a une personne justement qui nous téléphonait, et puis un père de famille qui a renversé du café sur son petit gars, puis il l'a bouillanté comme il faut. Mais là, le bonhomme, s'il pense qu'il est coupable, là, s'il a été éduqué à se sentir coupable pendant 5 ans, parce que son petit bonhomme, il est tout plein de cicatrices, pendant 5 ans, il va vivre une culpabilité absolument idiote, qui va simplement l'empêcher d'aider son petit gars, continuer à vivre, tu sais, qui va le miner. Ça, c'est le karma relatif, c'est la pire connerie que l'homme a faite, puis celle-là, à un moment donné, il faut que l'homme, bon. La colère. Il y a des fois, je me choque un petit peu, c'est une colère qui est purificatrice, une colère avec qui me permet d'amener plus d'énergie en même temps. Je me choque plus, c'est trop, ces temps-ci, il fait trop chaud pour que je me choque. Mais quand même. La colère, c'est un frein si... Merci. La colère, il y a deux sortes de colère. Il y a la colère qui est bonne, puis la colère qui est pas bonne. Ça, c'est le pardon. Ça, je m'en fous. Bon. La colère. Si moi, à un moment donné, je vois quelque chose, c'est tu te mets en colère contre Dieu. Mais là, je veux tout faire pour aider les hommes, ou je veux tout faire pour évoluer, puis sainte n'importe quoi, ça marche pas. Je veux faire la volonté de mon père, mais maudit, il me la montre pas, sa volonté. Tu sais, j'essaye ça, ça rate. J'essaye ça, ça rate. Tout ce que je fais, ça rate. Tout ce que je veux faire, ben maudit, dites-moi là, on va le faire. Puis t'as pas d'orgueil, t'as pas rien, mais dites-moi là. Ça, c'est une colère qui est purificateur. C'est une colère qui va amener les énergies qui vont te montrer le chemin. Si t'es toujours là, bon, ben c'est correct, c'est pas ça. Ben là, t'es un beau niouf, puis tu vas rester niouf longtemps. Tant que tu te choqueras pas. Puis te choquer, c'est pas de dire d'un paquet de bêtises. Là, c'est une colère qui est émotive. Une colère qui est émotive, c'est un frein. T'as encore fait ça, puis je t'avais dit de pas faire ça, puis là, tu pars. Ou encore, bang, il frappe ton char. Maudit niaiseux, tu sais, ben ça, ces colères-là, c'est des freins. Puis l'homme, puis la femme, puis les enfants, ils sont colériques, puis ils sont bien trop colériques. Tous les fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qui fait pas ton bonheur, tu cries. Même si tu cries pas, tu te choques, regarde en dedans de toi ce qui se passe, il y a de la colère. Puis cette colère-là, là, elle n'est pas purificatrice. Alors, quand je dis que la colère, c'est bon, il faut faire attention à quelle colère qui est bonne. Mais une colère qui vient spontanément parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, là, pense-y, là, c'est le temps de se taper à la tête des murs. Ce petit morceau de brique, je te dis qu'on devrait s'acheter tout le monde, puis s'attacher après un mur, puis se taper à la tête dessus de temps en temps, là, il est utile. Là, il est utile. Alors, ce qui fait que la colère, faut faire bien attention. Si tu te mets en colère parce que tu es en colère, fais attention encore. Il y a de l'émotivité là-dedans parce que tu as appris que tu ne veux pas être en colère. Puis là, tu es en maudit parce que tu es en colère puis ça arrive pas, ça ne fit pas avec un de tes concepts. Alors, la colère, elle est de deux ordres. Une colère qui est purificatrice, mais pas quand tu engueules quelqu'un. Quand tu engueules quelqu'un, c'est jamais purificateur. Sauf si tu es un éducateur intelligent qui fake la colère parce qu'il sait que présentement, lui, il a besoin de voir que tu es en colère. Mais tu n'es pas en colère. À ce moment-là, c'est une colère. C'est une forme de colère, mais il n'y a pas d'émotivité dans cette forme-là. Il n'y a pas de colère. Ce que tu ne peux pas nécessairement voir quand la personne est en colère, mais qu'à l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, la colère, c'est un immense frein parce que toutes les fois, c'est une forme d'orgueil, la colère. Parce que tu n'as pas ce que tu veux et tu bugles. C'est, la jalousie t'amène à la colère, mais la jalousie, c'est une forme de peur. Tu as peur de perdre, donc tu es jaloux. Hein? Alors, toi, tout à l'heure, je parlais de différentes choses. On a l'idolâtrie qui est amenée par la peur, qui peut être amenée aussi par l'orgueil, par le snobisme. On a le karma. Le karma, c'est quoi? Ben, le karma, c'est une incompréhension totale. C'est le karma relatif que je te parle. L'avarice, c'est aussi une forme de snobisme. C'est aussi une forme de peur. La peur de ne pas en avoir assez, t'en ramasses. Une chose que l'homme va apprendre, puis là, j'aurai peut-être pas le temps, mais je vais revenir avec ça à propos de l'observation. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme va finir par apprendre que l'homme ne doit pas être avare, qu'il doit communiquer, parce qu'en communiquant, c'est avec lui qu'il communique. Puis l'homme, à un moment donné, va se rendre compte que chaque individu, c'est des étincelles d'un même feu. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ce que tu fais à autrui, c'est une parcelle de toi que tu le fais. Puis ça, que tu fasses quelque chose qui est en harmonie, donc que nous, bêtement, on appelle bien, ou qui est en désharmonie et que nous, on appelle mal, ben, veux, veux pas, c'est à toi que tu fais ça. Puis Quand je dis que c'est à toi, c'est bien plus à toi que tu peux penser. Donne une claque à quelqu'un, tu vas voir, c'est à toi que tu la donnes. Parce que, il va t'en donner une. Mais dans la loi même de l'évolution, puis dans la loi du schéma global, si toi, t'es en bas, vois-tu, l'humanité a comme maximum d'évolution l'être humain le plus évolué. Et l'humanité a comme maximum d'involution l'être humain le plus involué. Puis l'humanité a comme moyenne d'évolution la masse. Alors, plus toi, tu vas aider la masse à grimper, plus toi, tu vas évoluer. Et là, c'est important, faut pas que tu te lances en mission de faire ça. Tu fais ça de même, t'es pris par l'émotivité, t'es pris par l'astral, t'es dans la spiritualité, ça va faire fourrer. Fais-le, mais fais-le pour toi. Puis là, c'est correct. En le faisant pour moi, automatiquement, les autres vont en bénéficier, mais si je le fais pour les autres, moi, j'en bénéficierai pas. C'est parce qu'en le faisant pour les autres, tu t'attaches à quelque chose. Automatiquement, tu t'attaches à une mission, tu t'attaches à quelque chose, puis infailliblement, en t'attachant à quelque chose, surtout à plusieurs individus, automatiquement, tu vas être désappointé et grandement désappointé. L'humanité, puis, c'est toi, c'est l'extérieur, c'est la ville, c'est le pays, c'est le monde. Puis tout ça, c'est le monde dans lequel toi, tu es placé, puis tout ça, c'est le monde dans lequel toi, tu vis. Et tout ça, tu le vois de par tes perceptions, et tout ça, tu l'emmagasines de par tes perceptions. Et ce monde-là, en fin de compte, c'est ce que toi, tu en perçois. Et pour changer le monde, change tes perceptions. C'est plus facile que de changer toute la boule. Ouais. Alors, le commencement du changement du monde commence par toi. C'est pour ça qu'il faut que tu le fasses pour toi. Avant de passer aux techniques dont tu parlais tantôt, Daniel, pourrais-tu nous parler des préjugés? Car je pense que les préjugés sont un grand frein. Le préjugé, c'est une forme, premièrement, d'idolâtrie subtile, qui n'est pas encore assez avancée, qui n'est pas pathologique. C'est une forme de snobisme aussi. C'est une forme de peur. Les préjugés, oui, c'est un immense frein parce que c'est simplement une porte que tu viens placer en avant de toi pour t'empêcher de connaître. Pour t'empêcher de connaître quelqu'un. Pour t'empêcher de connaître une science. T'empêcher de connaître une technique. T'empêcher de connaître quelque chose. T'empêcher de connaître. Alors, ce qui fait que moi, oh, moi, je ne vais pas là. De toute façon, c'est un gars qui porte des lunettes. Fait que, qu'est-ce que j'apprends d'un gars qui voit même pas clair? Tu sais? Bon. Mais c'est un barbu. T'sais? Moi, j'ai fait de l'ambulance. Dans le début, on avait des barbes. Ben, moi, j'avais une barbe. J'arrivais du Guatemala, puis j'étais moi, tout gris en haut, pas en bas. J'étais pas pour me raser. Alors, c'est l'hiver ici. Mais là, le monde, quand il voyait un barbu arriver, ben, c'est évident qu'un barbu peut pas savoir ce qu'il fait. Un barbu peut pas les aider, peut pas avoir de connaissance. Comment qu'un gars qui a du poil dans la face peut faire de quoi? Tu sais? Ça, c'est vrai. Assez qu'on était obligé de se couper la barbe, j'étais obligé de me la couper, puis on n'avait pas de barbe. Parce que le monde, ben, on était le même gars. Enfin, quelqu'un qui connaît hier, c'est un barbu qui est venu, qui ne connaît rien. C'est moi. Tu sais, c'est encore moi. Je suis venu hier, je viens aujourd'hui. Là, je trouve ça absolument épatant, mais hier, c'est dégueulasse. Parce qu'elle ne me reconnaît pas. Bon. Puis aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas de barbe sur l'ambulance, le monde ne te trosse pas. Ils pensent que tu fais partie de la police, pour certains. Hein? Ils pensent que, tu sais, le gars qui a de la barbe, ben là, maintenant, quasiment tous les ambulanciers ont de la barbe. Mon collègue en a une aussi. Parce que ça donne que, comme j'expliquais tout à l'heure, on fait des chiffres de 12 heures. Fait que s'il faut qu'on se rase, dans un chiffre de 12 heures, il faut qu'on se rase encore. Sans ça, on a l'air des pouillures rendues à la fin de la journée. Bon, fait que vu qu'on est obligé de faire des grands chiffres parce qu'on est allongé comme ça, ben nos barbes, on les laisse pousser. Mais maintenant que le monde a découvert, justement, les techniques, puis qu'on suit des cours, puis tout ça, tu sais, puis qu'on est professionnel. Mais là, maintenant, si t'as pas de barbe, t'es pas trop stable. Mais 2 ans avant, si t'en avais une, t'étais pas trop stable. Puis c'est le même travail. Alors, le préjugé, c'est quoi le préjugé? C'est justement, il t'empêche de voir. Tu ne devrais jamais juger. Alors, imagine-toi quand tu préjuges. Hein? C'est ça qui arrive quand il écoute pas. C'est parce que je pensais qu'il restait 5 minutes, mais il semble que la première partie est finie, Daniel. Et puis, je suis très désappointé car j'avais hâte de t'entendre parler des techniques. Donc, quelles techniques?